incognito. Vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, ni grands ni gros. Ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Monsieur Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront sûrement pas un radis, c'est moi qui vous le dis, Monsieur Picasso. Il y a des dames au diams gros comme des pruneaux, fous du boulot, 24 heures sur 24 frais et dispo, de vrais robots, toujours à l'affût, jamais au repos. De face, de dos, profil, ils ont nos bobines en photo. Monsieur Clémenceau, pensez à nos femmes et à nos marmots. Pendant ce temps-là, dans les romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour ne pas en prendre pour 20 ans.